Je suis un des 10 nommés par une assemblée populaire pour aller poser une question, presque porter une sommation aux députés de Paris. Millière, Trinquet, Humbert, Cournet sont aussi de ces 10-là. Chez qui ira-t-on d'abord? Lequel des représentants abordera-t-on le premier? On découvre l'adresse de Ferry. Une bonne arrive au coup de sonnette. Monsieur Jules Ferry, il est là. Qui dois-je annoncer? Dites que ce sont des gens du 6e qui ont une communication à faire. Le bourgeois apparaît, en petit veston et le nez allongé. Messieurs, une minute de silence. Allons-y. Vous connaissez, monsieur, la lettre de monsieur de Kératry proposant de répondre au décret de prorogation de la Chambre pour l'arrivée en masse des députés devant le Palais Bourbon, au jour et à l'heure où, suivant la loi, la session devrait s'ouvrir. Une réunion publique a décidé qu'on mettrait les représentants de Paris en demeure de se prononcer catégoriquement à ce sujet et nous a chargé de réclamer leur présence à une séance où le peuple exprimera sa volonté. Y viendrez-vous? Je ne dis pas non, mais je dois consulter mes collègues. Je ferai ce qu'ils feront. Place de la Madeleine, maintenant. Monsieur Jules Simon, entrez, messieurs. Mon ancien cher concurrent. J'ai mis les mains derrière mon dos et me suis reculé, laissant à d'autres le soin d'interroger le personnage. Comme Ferry, il répond je ne sais quoi, que lui aussi sera au rendez-vous, si tel est l'avis de son groupe. Dans l'escalier, on discute mon refus d'accolade. Millière s'irrite, invoque son titre de doyen, m'accuse d'avoir été égoïstement blessant et déclare qu'il n'entend pas que l'on trouble par de pareils incidents les visites nouvelles. Il va aller chez M. Thiers, mais il sera respectueux, ajoute-t-il en me regardant. Soyez ce que vous voudrez, moi, je garde la liberté de ne pas chatouiller la paume à l'ennemi. Mais impossible de refuser la pâte au gros réjoui, à favori d'acajou, au large bedon et au large rire qui me sifflent dans les oreilles avant même que j'aie desserré les crocs. Hey, les réinteurs, comment va? Me dit Picard. Vous pouvez vous vanter de nous avoir bien arrangés dans votre rue. Oui, du joli. Et de me taper sur ce que j'ai de ventre en demandant ce qui nous amène. Enfin, messieurs, que veut le peuple? En va-t-il chercher ma tête? C'est que j'ai la faiblesse d'y tenir. Vous savez, une vieille habitude. Si Belleville triomphe, j'accours. Mais quant à l'entraîner, jouer les Brutus, non, mes enfants, je n'en suis pas. Je ne m'engage à rien. Ne promets rien. Pas ça. Une tête d'apôtre pèle tant. Il a en effet prophétisé. C'est un bibliste de la Révolution, un missionnaire barbu de la propagation de la foi républicaine, qui a le poil, le regard, l'allure d'un capucin ligueur. Que va-t-il répondre? Pas grand-chose. Il en conférera avec ses collègues lui aussi. Et Gambetta? Gambetta a inventé une angine dont il joue chaque fois qu'il y a péril à se prononcer. Millière a-t-il vu Thiers? Je ne sais. En tout cas, s'il l'a rencontré, il ne lui a pas renfoncé son chapeau gris sur les oreilles, bien sûr. Bancel était en province. Viendront-ils? Salbillette, boulevard Clichy. Dans le fond, on a planté une table et quelques tabourets de paille sur une estrade construite avec des madriers plâtreux. C'est là que se tiendront les représentants, comme sur la sellette des assises. Il s'agit de choisir celui qu'on proposera à l'auditoire pour président. Millière réclame cette distinction. Les voilà. Ferry, Simon, Bancel, Pelletan. Leur murmure. Ils doivent deviner, du coup, qu'ils sont en plein camp ennemi. On se dérange à peine pour leur livrer passage. Comme ils sont loin des clairons et des officiers qui font fanfare et cortège devant le président de la Chambre, loin des huissiers en habit noir et à chaîne d'argent. Ici, il n'y a que des malvêtus. Millière, Millière! Il était prêt et n'a qu'un pas à faire pour prendre place devant la table verte. Parlerez-vous, Vintra? Non. Je ne suis pas assez sûr de moi, et je n'ai point l'oreille du tribunal en blouse comme ceux qui sont allés tous les soirs causer avec lui dans les clubs nouveaux. Si tout ce qu'il faut dire n'était pas dit, je m'hasarderais peut-être, mais tout sera dit.